Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous sur Isanganiro. Bienvenue dans cette dernière édition du Journal Parlé en français. Nous sommes le 23 février 2017. Au sommaire de ce journal, la malaria au cœur des débats ce matin à l'Assemblée nationale. Kigobe avait comme invité la ministre en charge de la Santé pour des questions orales. Les chiffres récemment publiés par l'OMS interpellent la conscience des élus du peuple. 3700 personnes mortes du palu au Burundi pour l'année 2016. Docteur Josiane Nijimbere affirme que c'est encore tôt de déclarer la maladie comme une épidémie. On fait le point avec notre reporter. Bientôt, des points focaux de la commission Vérité et Réconciliation et agents de déposition seront désignés sur différentes collines du Burundi. C'est le président de la CVR qui l'a annoncé ce matin dans une conférence de presse au cours de laquelle Monseigneur Jean-Louis Nahimana a déclaré qu'ils ont besoin d'un budget de 30 millions de dollars pour bien fonctionner. Et le gouverneur de Gitega annonce que les jeunes qui seront interpellés dans des endroits publics, surtout de Gitega, seront arrêtés et forcés de faire des travaux d'intérêt public et non rémunérés afin, explique-t-il, de leur permettre de réfléchir sur leur avenir. Ces diplômés chômeurs, comme il convient de les appeler pour la majorité, trouvent cette mesure contre-productive. Et en actualité internationale, le nouveau secrétaire général de l'ONU lance un appel à l'aide. Ses agences ont besoin d'un plus de 4 milliards de dollars d'ici la fin du mois de mars pour endiguer une famine qui touche le Nigeria, la Somalie, le Soudan du Sud et le Yémen. C'est la première fois en plusieurs décennies que 4 alertes à la famine sont lancées en même temps. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir. Deux détenus de la prison de Lumonge ont été blessés, dont un grièvement et admis à l'hôpital. C'était la mi-journée de ce jeudi. Ce sont des balles tirées par des agents de la police qui les ont atteints. Donatien Manirakiza, commissaire provincial de la police, fait savoir que la police essayait de ramener l'ordre à l'intérieur de cette prison où un groupe de détenus, parmi lesquels Michel Nourguez et Dirwembe, avaient été chassés par leurs co-détenus. Ils accusaient ce groupe de Gwembe d'avoir été l'instigateur de transfert de 8 autres détenus, parmi lesquels leur chef. Transfert opéré ce jeudi matin vers la prison centrale de Mimba à Bujumbura. La situation se renormalise petit à petit, selon le commissaire provincial de la police à Rumonge. Je venais de vous le dire, le gouvernement burundais dit être prêt à déclarer le paludisme comme épidémie s'il continue à connaître une flambée. C'est la ministre de la Santé publique qui l'a dit ce jeudi matin lors d'une séance de questions orales à l'Assemblée nationale. Docteur Josiane Nijimbere qui trouve très tôt la déclaration de l'épidémie de malaria, même si elle ne donne pas de chiffres, ajoute que les molécules d'artésunate et amodiaquine restent efficaces pour son traitement. Elle affirme encore que, faute de moyens, la pulvérisation intradomiciliaire dans tous les ménages demeure impossible. Le reportage est signé Placide Niyomwongere, envoyé spécial à l'Assemblée pour nous. Dans cette séance des questions orales, la ministre de la Santé publique ne donne ni les chiffres des patients ni des décès des années antérieures. Mais Dr Josiane Nijimbere explique qu'en 2015 et 2016, le nombre de patients a été élevé, mais qu'actuellement a connu une légère diminution évaluée en taux de 20%. Honorable Agathon Gwasa s'interroge sur le pourquoi du retard de la déclaration de l'épidémie de malaria au Burundi, ce qui pourrait inciter les partenaires à s'investir davantage dans ce domaine. La ministre Josiane Nijimbere, malgré sa flambée, il reste très tôt pour parler de l'épidémie. Elle conseille en outre les patients d'observer les règles d'administration des molécules artésunate et amodiaquine comme traitement. La ministre Josiane Nijimbere vit la situation de cette maladie pour se préparer à l'éradiquer, explique que son ministère a déjà signé une ordonnance permettant l'entrée du médicament appelé Quartem qui sera admis dans les hôpitaux lors du traitement en masse en pleine période d'épidémie. Pour honorable Bosco Nkurunziza, ces AST et Quartem Semblait-il qu'ils ne sont plus admis dans les soins de santé d'ailleurs. Et pour lui, ces derniers risquent de provoquer une insuffisance rénale. Face à ces inquiétudes, la ministre Josiane Nijimbele fait savoir que chaque pays a sa manière de tracer son chemin thérapeutique et qu'ils n'ont pas alors à s'inquiéter. Au moment où ces représentants du peuple recommandent la pulvérisation intradomiciliaire pour faire face à la flambée de cette conséquence du Plasmodium falciparum, la ministre Josiane Nijimbele dit qu'il est impossible de le faire dans tout le pays, faute de sa cherté, mais que cette technique reste en cours dans les provinces d'Ungmuyinga, Ngozi, Kirundo et Karusi. Elle ajoute que les moustiquaires imprégnés d'insecticides seront disponibles au mois de juillet, compte tenu de la commande du ministère et conformément au délai de vie de 3 ans des moustiquaires récemment distribués. Placide Niyomwongere. La commission Vérité et Réconciliation va bientôt désigner les points focaux et agents de déposition sur différentes collines des provinces du pays. Ils seront chargés de recevoir les dépositions de ceux qui veulent témoigner sur les événements du passé. En mairie de Bujumbura, plus de 470 dossiers avaient déjà été reçus jusqu'à la fin de l'année 2016. Dans une conférence de presse, le président de la CVR a indiqué que cette commission a besoin de plus de 30 millions de dollars pour bien fonctionner. Aubin Niongou. La commission Vérité et Réconciliation annonce qu'elle compte placer les agents de déposition et points focaux dans différentes provinces et collines du pays pour poursuivre le travail de collecte de témoignages. Pour pallier à cette insuffisance des moyens, la commission, avec le concours de certaines organisations de la société civile et l'administration locale, vient d'arrêter une stratégie visant à mettre sur pied des points focaux au niveau provincial, au niveau communal, et à nommer des agents de déposition et d'enquête sur chaque colline, et ici tout en comptant, bien sûr, sur le bénévolat. En mairie de Bujumbura, le président de la CVR, Mgr Jean-Louis Nahimana, indique que 472 dossiers avaient déjà été reçus jusqu'à la fin de l'an 2016, à raison de 342 en commune Nemuha, 74 en commune Nemukaza et 56 en commune Nahangwa. Mgr Jean-Louis Nahimana indique que la CVR a toujours le défi lié au manque de moyens. Nous avions budgétisé ce plan stratégique à hauteur de 13 millions de dollars américains par rapport, je dirais, aux activités en soi. On avait prévu 20 millions de dollars pour les réparations. Sur la question de la fosse commune récemment découverte en province de Mwaro, le président de la CVR fait savoir que ses ossements seront enterrés dignement ce lundi. Et lundi, le 27 février 2017, la commission Vérité et Réconciliation organise avec ses partenaires une descente à Lusaka pour déterrer les restes humains enfouis dans une fosse commune et pour les conserver en attendant leur enterrement digne au cours d'une cérémonie ad hoc. Quant aux deux commissaires de la CVR qui ne siègent plus dans cette commission, à savoir le père Désiré Yamouremye et Didas Kiganahe, leur remplacement suivra le même cours que celui de leur désignation, a-t-il précisé. Aubin Niyonguru, une courte pause et appel à nos correspondants. Isanganiro, la radio de l'avenir. On commence par le sud où trois personnes des communes Wurambi et Mugamba dans les provinces Rumonge et Bururi frontalières ont été arrêtées ce mercredi. Deux hommes de Wurambi sont retenus au service national de renseignement à Rumonge pour détention présumée d'armes. Et un jeune homme de Mugamba a été arrêté par des militaires vers 20h de ce mercredi pour des raisons non encore élucidées. Jean-Pierre Misago. Ndayahundwa Athanase et Kiyoya ont été arrêtés chez eux sur la colline Gishiha en zone Maranvia de la commune Wurambi le matin de ce mercredi. Ce sont les militaires opérant dans cette localité qui ont arrêté ces deux hommes avant de les remettre au service national de renseignement à Rumonge, dont la camionnette les a conduits à Rumonge vers 16h. Le sommet de crédit, Eliezer Manirambona, chargé du service national de renseignement à Rumonge, reconnaît détenir les deux hommes accusé de détention illégale d'armes. Et c'est après leur confrontation avec le témoin à leur charge qu'on saura si oui ou non cette accusation tient debout. Dans la commune voisine de Mugamba, c'est un certain Douimana Egide de Mutowo qui a été arrêté vers 20h par les militaires positionnés à Rohingya alors qu'il étanchait sa soif dans un bar de la place. Les membres de sa famille interrogés disent ignorer le motif de cette arrestation intervenue en dehors des heures légales à cette fin et demandent que leur soit libéré. Aussi, ces militaires, parmi les que ceux qui viennent d'y passer plus d'une année devraient être relevés, certains des habitants de cette localité les accusant de les malmener injustement. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Aucune organisation partenaire de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Rouyigui n'est prête à appuyer en semences ni en vivres les agriculteurs qui n'ont rien récolté pendant les dernières saisons culturales suite au tarissement des pluies. Le directeur de la DPAE dans cette province demande aux ONG partenaires à revoir leur planification au profit des populations qui n'ont plus leurs yeux que pour pleurer. Jean-Claude Chimiriman. Une aide de semences d'haricots pour la saison culturelle B et de produits vivriers est celle sollicitée par certains des habitants des collines Senga et Nombé en commune Boutézi de la province Rouyigui avec qui nous sommes entretenus. Ces agriculteurs expliquent qu'ils n'ont rien récolté aux saisons 1 et C dernières puisque les cultures d'haricots et de maïs ont été anéanties par un ensoleillement prolongé. À la DPAE Rouyigui, l'on indique que différentes cultures se sont séchées dans différentes communes de la province. Selon une enquête faite par la dite direction, les cultures des saisons A et C dernières ont été détruites par le soleil sur 108 collines sur un total de 178 que compte la province, soit 60,67% des collines. Néanmoins, lors d'une réunion tenue ce mercredi par la DPAE Rouyigui à l'endroit de ses différents partenaires, aucune organisation non gouvernementale ne s'est prononcée pour une octroi d'aide, que ce soit en semences d'haricots ou en produits vivriers dans ces jours, comme attendu par la DPAE Rouyigui. Ce problème d'insécurité alimentaire et de manque de semences est survenu après la planification des activités en cours d'exécution, ont indiqué les représentants de 8 organisations qui étaient présentes à la réunion. Face à cette situation, Festus Niabose, directeur de la DPAE Rouyigui, a demandé avec insistance à ses différents partenaires à revisiter leur planification en cours d'exécution en vue de pouvoir secourir les agriculteurs qui ne savaient plus à quel sens se vouer actuellement. Jean-Claude Nchimirimana, Rouyigui, Radio Isanganiro. Cap maintenant sur Gitega où nous retrouvons notre correspondant Arthur Kavabushi qui nous rapporte que les jeunes qui seront interpellés dans des endroits publics, surtout de Gitega, seront arrêtés et forcés de faire des travaux d'intérêt public non rémunérés afin de leur permettre de réfléchir sur leur avenir. Rappelant que toute personne est en capital, le gouverneur de la province de Gitega précise que ces jeunes seront nourris. Pourtant, Arthur, ces jeunes constitués majoritairement de diplômés chômeurs trouvent cette mesure contraignante et contre-productive. Ces jeunes qui sont pointés du doigt par le gouverneur de la province de Gitega, Venant Manirambona, sont en majorité constitués de jeunes ayant des diplômes universitaires, toujours en quête d'emploi, ceux qui ont terminé l'humanité générale, et ceux qui ont abandonné l'école. Selon cette autorité, les jeunes qui seront interpellés dans des endroits publics, surtout dans la ville de Gitega, sans rien faire, ils seront arrêtés et conduits dans des endroits où on a besoin de main-d'œuvre, surtout de travaux de petits métiers. Cependant, ils soulignent qu'ils ne seront pas rémunérés, mais qu'ils auront à manger uniquement afin de leur permettre de réfléchir sur leur avenir, étant donné que chaque homme constitue un capital. Ainsi, dit-il, ils ne vont plus rester les bras croisés en attendant d'être embauchés par l'État. Une autre chose est que dans ces différents endroits où ils se regroupent sans rien faire, excepté le fait qu'ils y apprennent de mauvais comportements comme la consommation de stupéfiants, même le banditisme part de là-bas même. Certains jeunes que nous avons contactés disent que c'est une mesure contraignante au moment où ils indiquent qu'ils sont à la quête d'un travail rémunéré devant différents bureaux des ONG internationaux. Pour eux, ils ne peuvent pas travailler sans rien faire. Mais le problème majeur qu'ils rencontrent est que quand ils tombent sur un appel d'offres, on demande une expérience de travail dont ils n'ont pas. Sachez que dans la ville de Gitega, les jeunes qui ont terminé l'université sont plus de 80%. Depuis Gitega, Arthur Kavabushi pour la radio Isanganiro. Merci Arthur. On termine ce tour de quelques-uns de nos correspondants à travers le pays par Mwaro, où une somme de 28 millions de francs burundais a été dernièrement volée par le gérant du bureau postal du chef-lieu de cette province. Cet homme était seul le jour du forfait. Le matériel informatique de ce bureau étant tombé en panne pour quelques jours, la fraude n'a été détectée que tardivement. De Mwaro, nous appelons notre correspondant Laurent Dikourio. Selon les informations recueillies au bureau postal du chef-lieu de la province Mwaro, dimanche, en date du 12 février 2017, le gérant de cette poste, nommé Kazili Ismail, était seul au bureau. Vers 13h30, il est sorti du bureau en disant au client qui était sur place qu'il faisait un petit saut au marché pour retourner dans quelques minutes, mais n'est plus revenu. D'après le personnel de ce bureau postal de Mwaro, Kazili Ismail a effectué un versement fictif de 24 millions de francs bourg sur un compte d'une autre personne ayant un compte au bureau postal de Kinama à mairie de Bujumbura. Cette personne qui était avec Ismail a retiré cette somme au poste de Kibombo car le système d'interconnexion est fonctionnel. Ismail a pris également sur lui une somme de 4 millions qui était restée des opérations qu'il avait effectuées ce jour-là. Selon les agents de cette poste, comme les ordinateurs ne fonctionnaient pas correctement pendant cette période, la fraude n'a été détectée que 6 jours après. Pour le moment, les activités continuent. Le personnel de cette agence de la poste nous a indiqué que même les cultivateurs qui venaient de payer la solde sur les engrais chimiques subventionnés seront servis car ils gardent toujours leur ticket. Depuis moi, alors, Laurent Dikourio, Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. C'est sur ce site que vous nous suivez partout dans le monde. Antonio Guterres, le nouveau secrétaire général de l'ONU, lance un appel à l'aide. Ses agences ont besoin d'un peu plus de 4 milliards de dollars d'ici la fin du mois de mars pour endiguer une famine qui touche le Nigeria, la Somalie, le Soudan du Sud et le Yémen. Les conflits armés et le changement climatique sont les premiers responsables. Mais l'ONU accuse aussi les parties au conflit de bloquer l'aide humanitaire. En tout, ce sont 20 millions de personnes qui sont menacées de mort dans les 6 prochains mois. Et c'est la première fois en plusieurs décennies que 4 alertes à la famine ne sont lancées en même temps. Mais l'ONU ne dispose actuellement que de 90 millions de dollars. C'est au Yémen que la situation est la plus critique, avec plus de 7 millions de personnes qui meurent de faim. Sans la nommer, Antonio Guterres lance un appel à l'Arabie Saoudite qui bombarde les rebelles houthis et est accusé de bloquer l'aide humanitaire. Des 4 pays menacés par la famine, seule la Somalie connaît une sécheresse. Enfin, en Afrique du Sud, les organisations de la société civile s'inquiètent à la veille d'une manifestation contre les étrangers prévue ce vendredi 24 février. Un groupe d'habitants dans des plus gros townships de Pretoria a prévu un rassemblement pour protester contre le crime et les étrangers qu'ils estiment responsables du chômage et du trafic de drogue. Depuis 10 jours, les incidents contre les étrangers sont multipliés autour de Johannesburg et de Pretoria. La diaspora africaine, la société civile et la Commission des droits de l'homme mettent en garde. Les étrangers vivant dans le pays ne sont pas responsables de tous les maux. Pour Gushuel Brooks de la Commission sud-africaine des droits de l'homme, même si les Sud-Africains ont des préoccupations légitimes, ils ne doivent pas se faire justice eux-mêmes et appellent le gouvernement à interdire tout rassemblement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. J'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. La malaria était au cœur des débats ce matin. L'Assemblée nationale à Kigobe avait comme invité la ministre en charge de la santé pour des questions orales. Les chiffres récemment publiés par l'OMS interpellent la conscience des élus du peuple. 3700 personnes mortes de paludisme au Burundi pour l'année 2016. Docteur Josiane Nijimbere a affirmé que c'est encore tôt de déclarer la malaria comme une épidémie. Bientôt, des points focaux de la commission Vérité et Réconciliation et agents de déposition seront désignés sur différentes collines du Burundi. C'est le président de la commission Vérité et Réconciliation qui l'a annoncé ce matin dans une conférence de presse au cours de laquelle Monseigneur Jean-Louis Nahimana a déclaré qu'ils ont besoin d'un budget de 30 millions de dollars pour bien fonctionner. Et le gouverneur de Gitega annonce que les jeunes qui seront interpellés dans des endroits publics, surtout de Gitega, seront arrêtés et forcés de faire des travaux d'intérêt public et non rémunérés, afin, explique-t-il, de leur permettre de réfléchir sur leur avenir. Ces diplômés chômeurs, comme il convient de les appeler, pour la majorité, trouvent cette mesure contre-productive. Et vous l'avez suivi en actualité internationale, le nouveau secrétaire général de l'ONU a lancé un appel à l'aide. Ces agences ont besoin d'un peu plus de 4 milliards de dollars d'ici la fin du mois de mars pour endiguer une famine qui touche le Nigeria, la Somalie, le Soudan du Sud et le Yémen. Et c'est la première fois en plusieurs décennies que 4 alertes à la famine sont lancées en même temps. François Akimana a mis en onde ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Ainsi se referme ce journal au micro. Jean Bosco Nduimana, nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.